Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Gengis Khan et l'Empire mongol. Gengis Khan s'adresse à tous ses nouveaux sujets. Ces hommes qui partageront avec moi la bonne et la mauvaise fortune à l'avenir, ces hommes dont la loyauté sera pure comme le cristal de roche, je veux qu'ils s'appellent les Mongols. Au-dessus de tout ce qui respire sur la terre, je veux qu'ils s'élèvent en puissance. Et Gengis Khan tint parole. Avec sa horde composée de cavaliers aguerris et intrépides, d'archers d'une virtuosité et d'une mobilité incomparables, il allait réduire des armées puissantes et subjuguer une grande partie des peuples de la terre. L'animateur Jean Kemp à l'émission Histoire de Chine en 1966. Redoutable guerrier, Gengis Khan a créé, dit-on, le plus grand empire de tous les temps. À sa mort, l'empire mongol s'étend de l'Iran à la Corée et sous le règne de ses successeurs, cet empire prend davantage d'expansion encore. Il s'étend alors du Vietnam à la Hongrie et des Pays-Baltes à la Turquie. Sa marche conquérante déferlait dans la steppe comme un fleuve destructeur. Ses guerriers stupéfiaient l'ennemi par leur adresse. Il avait pour ambition de conquérir le monde. Et son armée allait envahir toute l'Asie, se répandre au Proche-Orient, avancer jusqu'aux confins de l'Europe. Dans son sillage, ses descendants ont fondé le plus vaste empire de tous les temps. Entré de son vivant dans la légende, il est devenu un des grands noms de l'histoire, Gengis Khan. Pour ses soldats et ses alliés, il était le fils du ciel, un demi-dieu. Pour ses adversaires, un cavalier de l'Apocalypse. Extrait du documentaire « Gengis Khan, cavalier de l'Apocalypse », un documentaire réalisé par Heinz Legger en 2005. Pour nous raconter l'incroyable odyssée de Gengis Khan, je reçois l'historien et ami de l'émission, Raphaël Welland. Raphaël Welland, bonjour. Bonjour, Jacques. Alors, Raphaël, Gengis Khan, c'est l'un des personnages historiques les plus connus dans le monde. Aujourd'hui encore, à peu près tout le monde connaît son nom. Pourquoi? Eh bien, en fait, parce que c'est le plus grand conquérant de tous les temps. Il part de pas grand-chose. Bon, au début du XIIIe siècle, il rassemble des tribus qui sont aujourd'hui dans ce qu'on appellerait la Mongolie et puis les pays voisins. Et il va les mener donc à la conquête du plus grand empire terrestre de l'histoire, vers l'Iran, mais vers la Corée, mais aussi vers le Vietnam, la Hongrie, les Pays-Baltes, la Turquie. C'est vraiment un empire gigantesque. Mais ça, bon, c'est assez connu en fait. Et puis, la vérité, c'est que derrière cette célébrité apparente, on connaît assez mal le personnage. Oui. Par exemple, depuis tout à l'heure, on l'appelle Genghis Khan, mais ça, c'est un titre, ce n'est pas son nom. Genghis Khan, c'est le grand roi, le roi des rois, mais son vrai nom, c'est Temujin. Et puis, d'autre part, derrière l'image du grand conquérant, eh ben, il y a aussi le massacreur, celui qui crée, oui, mais au milieu des flots de sang et de massacres. Et donc, c'est une image qui n'est pas toujours bien connue et un peu trouble. Oui, mais qui fait sa renommée en même temps. C'est l'une des raisons. Là, bien sûr, l'immense empire qu'il va construire, mais ses méthodes, justement, sanguinaires qui vont faire aussi sa renommée et qu'on en parle encore aujourd'hui. Je pense que ça fait partie de l'équation, mais on pourra y revenir, de fait, sur ce que ça veut dire, cette méthode Gengis Khan sur le terrain. Parlons quand même un petit peu de tous ces hommes, toutes ces femmes qui sont avec lui, qui sont derrière lui. Qui sont ces Mongols que Gengis Khan mène à la conquête de l'Eurasie, Raphaël Welland? Alors, le terme mongol, le nom mongol qu'on utilise, il sert à décrire un ensemble de tribus nomades qui partagent des langues qui sont voisines, les langues mongoles, et puis qui habitaient un territoire à peu près voisin, des steppes assez inhospitalières, dans l'actuelle Mongolie, puis des régions environnantes, la Kalmoukie, la Buryatie, des endroits un peu exotiques comme ceux-là. Alors ce terme, on le connaît dès le 8e siècle, c'est des sources chinoises en fait qui nous le transmettent, mais les peuples qu'il désigne, ce terme de Mongol, ils existaient là bien longtemps auparavant. Ces tribus, donc, elles vivent dans un territoire qui est inhospitalier et qui va les modeler, les forger. Elles ont un style de vie qui est rude. Les températures vont varier beaucoup dans la steppe, le jour, la nuit, l'hiver, l'été. Les ressources sont rares aussi. Et donc, il y a une lutte qui est permanente à l'intérieur même des Mongols, entre des tribus, entre des clans aussi, à l'intérieur d'une même tribu, pour le contrôle des ressources, les terres de pâturage, l'accès à l'eau, les territoires de chasse, pour la survie, en fait. Et ces conditions-là, bah, elles vont créer des Mongols qui sont rudes, ouais. qui sont habitués à chasser à l'arc sur des montures qui sont lancées au galop. Donc c'est très très très difficile. Ils sont habitués à collaborer aussi pour survivre. Et tout ça, ça se transpose aisément à la guerre. Ça en fait des redoutables guerriers qui sont prisés par les dynastes chinois comme mercenaires de toute éternité, mais qui, jusqu'à Temujin et au XIIIe siècle, sont un petit peu en marge de l'histoire, là, à la frontière des grands empires. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans quel contexte, en fait, Gengis Khan décide-t-il et réussit-il à créer ce si vaste empire dont on a parlé au tout début de l'émission? Alors, en fait, je vais jouer à l'historien et puis je vais mettre de l'avant que, bon, il y a des facteurs qui le dépassent. Oui. Une sorte de conjoncture de deux facteurs en particulier qui probablement aurait fait que c'est Genghis Khan, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, qui va sortir ces Mongols de l'anonymat historique. Ce qui se passe, c'est que dans la deuxième moitié du XIIe siècle, donc au moment où naît et grandit notre Temujin, futur Genghis Khan, la steppe dans laquelle vivent les Mongols se réchauffe. Elle se fait plus humide aussi relativement rapidement, en quelques décennies. Et ça, on a pu l'observer avec des études sur du pollen, des molécules de nourriture qu'on retrouve dans des morceaux de céramique. Ce réchauffement de la température, il fait que le nombre des Mongols augmente. Avant ça, les conditions rudes en faisaient des rudes guerriers, mais réduisaient leur nombre. Alors, ils étaient capables de lancer des raids qui étaient dévastateurs, mais à quelques centaines contre des milliers de sédentaires en Chine ou en Iran, ils étaient une nuisance et une source de mercenaires, pas des gens qui transformaient l'histoire. Oui. Avec des conditions moins hostiles, ça va changer. Ensuite, deuxième facteur, d'ordinaire, donc jusqu'à cette période-là, jusqu'à la deuxième moitié du XIIe, début du XIIIe siècle, les Chinois s'étaient appliqués à diviser les tribus mongoles pour mieux régner, pour éviter que la menace soit trop grande. Mais à ce moment-là, la poursuite de cette politique de division, elle est rendue très difficile ou même impossible par la division de la Chine elle-même qui se bat. Bon, il y a des Jin au nord, il y a des Song au sud, des dynasties rivales puis qui sont elles-mêmes divisées. Et donc, avec des Mongols qui sont plus nombreux et qui vont réussir à s'unir, eh ben, ils vont passer de la périphérie au centre de l'histoire. En fait. Qu'est-ce qui fait, cela dit, que c'est lui, Genghis Khan, qui se retrouve à la tête de l'Empire mongol et qu'est-ce qui fait de lui le grand chef militaire qu'il est? Ah ben, en fait, on l'a dit au départ, hein, et oui, d'accord, il a un petit peu de chance, disons, une bonne conjoncture, mais en même temps, il va savoir se montrer habile et impitoyable, et ce sont des qualités communes aux grands conquérants, on a pu le voir à travers les années de l'émission, en fait. Oui. Donc lui, il va naître vers 1162, son père est un chef de tribu sans grande importance, donc il n'hérite pas son royaume. En fait, son père va même être assassiné par une tribu rivale alors qu'il a seulement 9 ans, notre Temujin, et à partir de là, sa vie va être très difficile. La nourriture est rare, des membres de sa propre famille vont le trahir, mais il va tranquillement réussir à se faire un nom, des exploits guerriers, notamment il va apparemment réussir une évasion spectaculaire alors qu'il avait été réduit en esclavage par une autre tribu, et tout ça va faire qu'il va finir par rassembler des partisans qui sont attirés par sa réputation, qui espèrent de lui des raids victorieux qui vont leur apporter du butin, et puis plus il est victorieux, et plus il y a des gens qui viennent avec lui pour avoir du butin, et donc plus il est victorieux, c'est une roue qui tourne. Ouais. Et puis, avec des mariages, des attaques, par toutes sortes de péripéties, il va finir par unir les différentes tribus de langue mongole. On est en 1206, et c'est là qu'il passe de Temujin, son nom, à son titre, Genghis Khan, donc. Et là, il va falloir maintenir le fragile équilibre. Et pour ça, pour éviter des querelles, pour acquérir du butin, il va se lancer dans des raids de plus en plus loin, vers la Chine et ailleurs. Ouais. Et elles seront nombreuses, donc les victoires de Genghis Khan. Si on avait à tracer les grandes étapes de cette conquête mongole, ça ressemble à quoi, Raphaël Welland? Donc les premiers raids seront en fait vers des territoires limitrophes, évidemment, et notamment ils vont s'emparer de l'actuel Pékin en 1215. Ensuite, ce sera un petit peu plus loin vers l'ouest, l'actuel Xinjiang, vers les ancêtres des actuels Ouïghours. Là, on est vers 1218, et puis ensuite vers le nord de l'Iran, 1221. Genghis Khan lui-même va mourir en 1227, mais ce n'est pas la fin de l'expansion. Ses descendants, Ulagu Khan en particulier, différents de ses petits-fils notamment, vont continuer à pousser vers l'Ukraine, vers l'Europe, la Roumanie, la Pologne, la Hongrie, ça c'est les années 1240, vers l'Irak aussi, où les Mongols vont détruire la ville de Bagdad en 1258, et puis aussi finir la conquête de la Chine, ça c'est 1279, et donc au bout de ces un peu plus de 50 ans de conquête, les Mongols en fait se retrouvent à la tête du plus grand empire terrestre jamais créé. On revient sur la méthode, Genghis Khan, dont vous parliez au tout début de l'émission. On a beaucoup, souvent, quand on parle de lui, on parle de conquêtes qui se font dans des torrents de sang, on parle de massacres. C'est toujours ces images-là qui reviennent. Dans quelle mesure c'est effectivement le cas? On écoute d'abord à ce propos Gérard Chalian. Il est géostratège, spécialiste de l'étude des conflits armés. Il est également l'auteur du livre « Les empires nomades », dans lequel il parle justement des conquêtes de Genghis Khan. Voici donc Gérard Chalian à propos de la méthode Khan à l'émission Au fil du temps en 1991. Alors, dans le cadre de la bataille proprement dit, ils pratiquent le harcèlement très classique des nomades, c'est-à-dire harcèlement de archers qui d'abord désorganisent les armées d'en face, les criblent de flèches alors que finalement on ne peut rien faire contre eux vu qu'ils sont plus mobiles. Après avoir en quelque sorte démoralisé complètement l'adversaire par une série d'assauts rapides comme ça, ils lancent leur cavalerie lourde qui donne le choc, et après ça, ils attendent que l'ennemi prenne la fuite. Et puis, une fois que l'ennemi a pris la fuite, ils font la poursuite jusqu'à ce qu'ils aient radicalement tout détruit, même si cette poursuite doit durer plusieurs jours. Par contre, ils feintent également, des fois, lorsque l'adversaire paraît extrêmement fort, ils font semblant de faire retraite, ils entraînent l'adversaire, ils ont fait ça avec les Russes, par exemple, et puis les Russes les ont poursuivis, puis forcément, comme dans toute poursuite qui dure un, deux, trois jours, il y a ceux qui vont plus vite que d'autres, puis ils ont fait tomber les autres dans les embuscades successives, ce qui fait qu'ils ont radicalement vaincu les Russes, qu'ils ont d'ailleurs occupé par la suite pendant deux siècles et demi. Alors, comment décrire cette stratégie militaire de Genghis Khan, Raphaël Wallan? Est-ce aussi sanguinaire qu'on le dit? Alors, je vais devoir dire que oui, mais qu'il y a des nuances. Ouais. Donc, on parle souvent, quand on décrit les conquêtes des Mongols, on va parler de trois torrents, le torrent de sang, le torrent d'encre, le torrent de boue. Donc, sous-entendu, la conquête qui se ferait par des massacres, par la destruction des cultures et par la destruction des infrastructures. Et effectivement, il y a des villes dont la population entière sera massacrée, des villes comme Beijing, comme Bagdad, comme Samarkand. Donc ça, c'est des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui sont exécutées. Temujin va mourir en 1227, je l'ai dit tout à l'heure. Eh ben, au moment où il meurt, il est en train de superviser le génocide d'un peuple, les Xia, dans le nord de la Chine, qui s'était révolté, et il se déplace personnellement de village en village, de ville en ville, pour détruire systématiquement et faire disparaître la culture. Et aujourd'hui, la culture des Xia a disparu, et on sait par l'archéologie que c'était quand même une grande culture. Maintenant, en fait, il y a quelque chose qui est important là-dedans, c'est que c'est du massacre, mais c'est du massacre qui est pensé. Il y a une sorte de rationalité au torrent de sang. C'est instrumentalisé. La pratique des Mongols, c'est de détruire la première ville qu'ils rencontrent sur le territoire d'un nouvel adversaire, quel qu'il soit, ce qui est un moyen d'envoyer un message, de s'assurer qu'il y a une résistance moindre dans les prochaines villes. Et ça, c'est pas très loin de la pratique d'autres empires. Dans l'Empire romain, par exemple, quand on attaquait une ville et que la ville on refusait de se rendre avant le premier assaut, on lui promettait, il y a une citation latine qui dit « vous serez anéanti jusqu'au dernier chien qui sera coupé en deux ». Donc il y a du massacre, mais qui est vraiment pensé, qui est réfléchi. Et puis aussi, il y a peut-être moyen de nuancer les chiffres. Alors, par exemple, pendant longtemps, on a dit l'administration chinoise au XIIIe siècle avait déjà commencé à faire des recensements. Il y a un recensement en 1200 qui dit il y a 120 millions d'individus. En 1300, il ne serait que 60 millions. Donc, les Mongols ont tué 60 millions de personnes. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas sûr qu'on compte la même chose dans les deux recensements. Et donc, peut-être qu'au final, les Mongols transforment plus qu'ils ne massacrent. Oui. Et surtout, quand ils massacrent, ils le font pour une bonne raison. Oui. Pour poursuivre justement la nuance que vous apportez, on va s'intéresser à la façon dont fonctionne, parce que ça nous en dit beaucoup, la façon dont fonctionne cet empire mongol, à quoi la vie ressemble également sous l'empire mongol de Genghis Khan. On écoute à ce propos un extrait du documentaire « L'Empire des Mongols » réalisé par Christian Twente en 2005. Khan veut amasser des butins et remettre titres et privilèges à ses hommes afin de s'assurer leur loyauté. C'est le fondement de son empire. Le grand Khan règne vers 1225 sur les territoires conquis. Il en confie l'administration aux fonctionnaires soumis, collecte les impôts et approvisionne ainsi tous ceux qui lui sont fidèles. C'est le principe de la loyauté contre l'assistance. Tous ceux qui s'engagent à servir le chef mongol, la famille de Genghis Khan, ont le droit, en échange, d'être approvisionnés par lui. La loyauté contre l'approvisionnement. Aujourd'hui, nul ne sait exactement combien de personnes vivaient à Karakorum. Mais une chose est sûre, pour les approvisionner, on pratiquait l'agriculture intensive à l'extérieur de la ville. Un vaste système d'irrigation construit par des Chinois rendait la steppe arable. Les fouilles montrent que les biens que la population ne pouvait pas produire elle-même étaient acheminés par un immense réseau de routes commerciales. Les nombreuses pièces qu'on a retrouvées en sont la preuve. La capitale des nomades est devenue une puissante métropole commerciale où l'on échange des devises du monde entier. Ah, c'est intéressant ce qu'on vient d'entendre, Raphaël Wallan, cette espèce de stratégie « soyez-moi loyal et vous aurez une bonne vie ». C'est un petit peu ça le contrat proposé. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment fonctionne cet empire-là? À quoi ressemble la vie sous l'empire mongol? Ben, c'est à la fois « soyez-moi loyal et vous aurez une bonne vie » ou « désobéissez et je vous détruirai ». Donc c'est là aussi qu'il y a l'utilité, pourrait-on dire, de la violence. Ouais. En fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que cet empire mongol, c'est un empire qui est assez décentralisé. Le grand Khan va donner des grandes orientations, mais pour l'essentiel, ce sont les élites locales vaincues ou qui se sont rendues qui vont continuer à régner. Ils vont gérer la loi, la police, elles vont suivre donc ces orientations générales. Maintenant, la grande question, c'est comment faire pour les maintenir dans l'obéissance. Oui. De la Corée à la Turquie, ça prend beaucoup de journées de cheval si vous voulez venir châtier quelqu'un qui s'est rebellé. Alors, les Khan mongols vont avoir, par exemple, des centaines d'épouses et de concubines, qui sont les filles, les sœurs de ces souverains locaux, qui vont être donc à la fois des épouses et des otages. On va aussi avoir des jeunes princes, des aristocrates, qui sont élevés auprès du grand Khan, d'abord dans une cour itinérante, et puis donc à Karakorum, qu'on a mentionné, qui est une sorte de ville de yourte, qui n'est pas très loin du lieu de naissance de Temujin, puis qui va devenir une vraie ville sous ses successeurs. Mais surtout, on va compter sur, on pourrait dire, trois grands facteurs. On va construire des infrastructures, un système de postes avec des chevaux frais pour avoir des informations rapidement, des ponts pour traverser les grands fleuves, des caravansérails pour s'arrêter, se reposer à endroits fixes. On va respecter les croyances des différents peuples, parce que c'est un moyen d'essayer d'éviter les révoltes. Alors Temujin lui-même, il est tengriste, un adorateur du ciel. Mais pour lui et pour les Mongols, la religion est une affaire personnelle, privée. Et donc, tant que vous pratiquez votre religion en privé, vous pouvez avoir la religion que vous voulez. Oui. Vous pouvez être juif, musulman, confucianisme, il n'y a pas de problème avec quoi que ce soit d'autre. Par contre, si vous avez des pratiques en public, l'abattage halal, par exemple, ça, c'est quelque chose que les Mongols vont réprimer, parfois férocement. Le dernier point très important, c'est que c'est un empire qui est une méritocratie. Au tout début, on avait un extrait où on parlait des Mongols. Bon, ceux qui me seront loyaux seront des Mongols et puis ils seront au-dessus de tout le monde. Il faut comprendre que ce n'est pas un critère ethnique. Ceux qui sont loyaux, ça peut être n'importe qui, de n'importe quelle religion, quelqu'un qui vient de Turquie ou de Corée. Tant que vous êtes loyal, vous pourrez devenir, si vous êtes habile, général, ministre ou gouverneur. Et ça, c'est révolutionnaire et ça aide à intégrer des gens d'un peu partout à l'Empire. Oui. Un petit mot sur la mort de Genghis Khan, parce que quand on s'appelle Genghis Khan, qu'on a la réputation qu'il a eue, qu'on a créé l'Empire aussi vaste qu'il a créé, évidemment, il y a des légendes qui vont circuler autour de cette mort-là. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Il meurt en 1227. Dans quelles circonstances? Alors, on l'a dit, il est en train de superviser un génocide, hein, c'est ça qu'il est en train de faire. Mais lui-même meurt, mais on n'est pas tout à fait certain de ce qui va causer cette mort-là. Les sources vont parler à la fois d'une plaie qui se serait infectée, d'une chute de cheval, d'une maladie. On n'est pas tout à fait sûr. Ce qu'on sait, c'est que, bon, en tout cas, il meurt. Et à partir de là, il est enterré au milieu de la steppe, sans signe distinctif, selon ce qu'étaient les pratiques de sa tribu. Et là commencent les légendes. On raconte, par exemple, que bon, l'escorte du cortège funéraire a massacré toutes les personnes à 100 km à la ronde pour être certain que personne n'observe le lieu où on met le grand chef en terre. Et ensuite, tout le monde se serait suicidé. Donc, comme ça, personne ne connaît l'emplacement de la tombe. Mais, d'accord, mais alors qui est-ce qui a raconté cette histoire-là? Et surtout, comment ça se fait que, très vite après sa mort, il va y avoir un culte qui va lui être rendu sur le lieu que la mémoire populaire conserve comme étant son lieu d'enterrement? Ouais. Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui sache à peu près. Et d'ailleurs, ce lieu, il existe encore aujourd'hui. Pendant longtemps, c'était dans des tentes portatives qu'on lui rendait hommage. Et le régime communiste en Mongolie a construit en 1953 un gigantesque dôme de béton. Et donc, aujourd'hui, ce serait là, en tout cas, qu'on pense que pose le terrible Genghis Khan. Ouais. Alors, il meurt en 1227, ce qui ne veut pas dire pour autant, bien au contraire, que son empire meurt avec lui. Que devient de fait son empire après sa mort? En fait, son empire va continuer à se développer par la suite, mais en vérité, il ne va pas lui survivre très longtemps. Un empire aussi énorme ne peut que se séparer en tronçons, et c'est ce qui va se passer. Dès 1294, il va y avoir quatre grands morceaux: l'Iran-Irak d'un côté, la Russie-Ukraine d'un autre côté, l'Asie centrale et puis la Chine, en gros. Et à partir de 1368, les descendants de Genghis Khan qui s'étaient partagés ces quatre morceaux ne régneront plus que sur l'Asie centrale et ailleurs, ce sera d'autres dynasties et encore des morceaux qui se seront séparés. Et au final, quand tout ça disparaît, qu'est-ce qui reste sur le plan de l'héritage de cette période où Genghis Khan a dominé une bonne partie du monde? Alors, même si l'Empire ne va pas durer tellement longtemps, par sa taille, il va vraiment changer des choses dans énormément de lieux. D'abord, son influence, elle va être culturelle. Cette période de l'Empire mongol, le XIIIe siècle, ça va être une des grandes époques de brassage entre les cultures du continent eurasien. L'architecture iranienne va se déplacer vers l'Asie centrale et l'Inde. La peinture chinoise va voyager vers l'Iran, donner les fameuses miniatures. La poudre à canon va se rendre en Europe. C'est aussi l'époque de l'apogée de la route de la soie, avec Marco Polo, par exemple. Et ensuite, une influence qui est ethnique, qui est peut-être la plus importante, pourrait-on dire, avec des déplacements massifs de peuples. Les Turcs, donc donnons cet exemple-là, les Turcs, ils ne sont pas originaires de la Turquie, ils sont originaires de l'Asie centrale. Et ils ne deviennent majoritaires en Turquie que parce que des tribus entières vont fuir ou accompagner les Mongols depuis l'Asie centrale vers la Turquie. Et les plus célèbres de ceux-là, ce sont les futurs Ottomans. Il y a un dernier point, c'est l'influence génétique. Il y a certaines personnes qui ont fait une espèce d'extrapolation qu'il y aurait des études génétiques qui auraient révélé un ancêtre commun à un groupe de 16 millions d'individus en Asie. Et là, on a dit ce sont les enfants de Genghis Khan qui seraient issus de ces mariages politiques. Mais en fait, on est dans l'extrapolation à partir d'extrapolation. On avait fait une étude qui avait un tout autre objectif. Pour avoir de la publicité, il y a un des auteurs qui s'est mis à dire peut-être que Genghis Khan... Ça a été repris avec des déformations. C'est le problème du journalisme scientifique. Mais le legs de Temujin, il est culturel, ouais. Il est ethnique, bien plus que chromosomique. Raphaël Bolland, historien, ami de l'émission, toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.